technical difficulties. We are technical difficulties. Bring keys on keyboards, hands on drums. Je n'existe plus, c'est pas possible de dire que j'ai pas de décision, puis je veux plus voir ta tête. Yeah.